Dossier 4. Livre page 54. Question A. 1. Cet après-midi, on va au concert musical. 2. Tu viens avec nous au zoo? 3. Denise, ne prends pas une deuxième pizza. Tu vas avoir mal au ventre.